Les mots s'échappent et prennent le vent. Ils cherchent un cap dans le tourment. Dans la pénombre vole ton parfum. Une âme sombre dans le chagrin. La vie qui devient moche, et ton regard m'emporte ailleurs. Les idées noires m'arrachent le cœur.